Chapitre 17e, une dépêche télégraphique. Les grands travaux entrepris par le Gun Club étaient, pour ainsi dire, terminés, et cependant, 2 mois allaient encore s'écouler avant le jour où le projectile s'élancerait vers la Lune. 2 mois qui devaient paraître longs comme des années à l'impatience universelle. Jusqu'alors, les moindres détails de l'opération avaient été chaque jour reproduits par les journaux, que l'on dévorait d'un œil avide et passionné. Mais il était à craindre que désormais, ce dividende d'intérêt, distribué au public, ne fût fort diminué, et chacun s'effrayait de n'avoir plus à toucher sa part d'émotions quotidiennes. Il n'en fut rien. L'incident le plus inattendu, le plus extraordinaire, le plus incroyable, le plus invraisemblable, vint fanatiser à nouveau les esprits haletants et rejeter le monde entier sous le coup d'une poignante surexcitation. Un jour, le 30 septembre, à 3h47 du soir, un télégramme, transmis par le câble immergé entre Valencia, en Irlande, Terre-Neuve et la côte américaine, arriva à l'adresse du président Barbicane. Le président Barbicane rompit l'enveloppe, lut la dépêche, et quel que fût son pouvoir sur lui-même, ses lèvres pâlirent, ses yeux se troublèrent à la lecture des 20 mots de ce télégramme. Voici le texte de cette dépêche qui figure maintenant aux archives du Gun Club. France, Paris, 30 septembre, 4h, matin, Barbicane, Tampa, Floride, États-Unis. Remplacé obus sphérique par projectile cylindro-conique, partirait dedans, arriverait par steamer Atlanta. Michel Ardan.